baby, babe, I won't. Oh, yeah. Oh, Où que j'aille, où que je sois, à chaque instant, je ne cesse jamais de proclamer tout bien fait dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, dans ma vie, dans l'assemblée de saints, tous les jours, je viens te louer. Te rendre grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie. Oui, chaque que je ne reçois pas la réponse à mes supplications. Oh, yeah. Je n'abandonnerai jamais son nom, mon rocher d'usage, mon appui, Seigneur Jésus. Oui, chaque la foi à ta parole, non, non, car Christ en moi l'espérance de la gloire. Chaque jour, à chaque instant, je perds jamais la foi à ta parole, car Christ en moi l'espérance de la gloire. Dans mes peines, jamais l'éternel, car je sais, Christ en moi l'espérance, la gloire, il a un projet pour moi de bonheur, non de malheur. Oui, je crois à sa promesse.